heures sonne au clocher de la petite église. La vieillesse s'entasse en grappe de petits vieux sur la modeste place de cet humble village. L'église aspire la foule dans le souffle de Dieu. Silence. Silence, c'est dimanche. Dimanche, dimanche, dimanche. Mais bon Dieu, quoi faire au soir de la semaine, au soir même de la vie, à la fin. Je n'ai pas tout compris. Dimanche, dimanche, dimanche. Mais bon Dieu, quoi faire au soir de la semaine? Je vais sortir peut-être inévitablement pour battre la campagne qui accouchera de mieux. Dimanche. Quelque part dans ma chambre, au milieu de l'hôtel, je regarde dimanche qui soupèse ma vie, qui dans le grand silence l'estime à peu de chance. Mais c'est bien le destin qui m'a mené ici. Silence. Silence, c'est dimanche. Dimanche, dimanche, dimanche. Mais bon Dieu, quoi faire au soir de la semaine, au soir même de la vie, à la fin, il me semble n'avoir pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. Dimanche, dimanche, dimanche. Mais bon Dieu, quoi faire au soir de la semaine? Je vais sortir peut-être inévitablement pour battre la campagne qui accouchera de mieux. Dimanche. Ni sonnette, ni fracas, pas même un chant d'oiseau. Au bistrot de la place, il balaye la terrasse. Un rideau bouge en face, aucune tête ne survient. On s'agite à l'étage, une lumière, puis plus rien. Silence.